voyageurs de la Toussaint, je vous apporte des chrysanthèmes, ils ont la couleur de la vie, et tant pis pour le sacristain. Il prend ça pour un anathème, mais le bon Dieu les aime bien, puisqu'à eux seuls il a donné l'automne en exclusivité. Et surtout, ne m'accusez pas d'être un esprit original. Y a dans leur cœur tant de soleil qu'il en coule sur leurs pétales. Bouquet doré, fleur d'amertume, promise au lendemain du trépas, ces riches médailles de vermeil ne décorent qu'à titre posthume. Je suis le voyageur de la Toussaint, j'ai accroché un chrysanthème sur le revers de mon veston, il suffit de ce petit rien pour que la foule change de ton et se mette à broder sur le thème. Prenez l'œillet ou le jasmin, mais surtout pas les chrysanthèmes. Disent que c'est la fleur des morts, comme si on ne crevait qu'en automne, et qu'ils s'estiment heureux encore si le chrysanthème leur pardonne cette concession convention. Ils veulent que la rose sente la rose et que le chrysanthème est seulement vagues relents d'enterrement. Si j'ai laissé passer l'été pour vous avouer que je vous aime, c'est tout simplement que j'attendais la floraison des chrysanthèmes. Ils sont plus doux à effeuiller que la vulgaire pâquerette. Ne soyez pas effarouchés si le chrysanthème vous compte fleurette. Hélas, les fleurs de la Toussaint sont pas en odeur de sainteté, même pour une passion éternelle, elles n'inspirent pas les fiancées. Je reste seul sur le chemin, comme un con avec mon bouquet, je n'ai plus qu'à en faire une couronne, en souvenir d'un amour défunt. Je suis le voyageur de la Toussaint et je remporte mes chrysanthèmes. Ils ont la couleur de la vie, ils en ont aussi le parfum. Tant mieux si c'est un anathème. Le bon Dieu m'aura bien compris, qu'à ses fleurs il a donné l'automne en exclusivité.